On voulait du lourd, j'ai répondu à l'annonce. À ta question, est-ce qu'on part Maxon, c'est la réponse. Mon rap, c'est la guerre. Kaki, carré, nique les coquettes, pour cave, dès que sa mère, dont vient moi nifler le cul. Passer des couilles en béton alors. Si ma vie est vache, que les pédales aillent se faire traire alors. C'est pas un putain de proverbe de biscuit chinois. Baisse la tête, enlève tes joues si tu veux rentrer chez moi. Passer la barre des 107 low key. Ici du ghetto, sans moi 7 gauche, droite, brise ton pao low kick. Viens pas me saucer. J'disaïre pas RDC, parce que dans mes bâtiments ça veut dire rez-de-chaussée. Les mastas vont et viennent, mais les ennemis s'accumulent. Youssouf a despo, poison et moi on annule ton calcul. Tu voulais le curriculum vitae, la même furie, ESCO dans la tuerie, l'homme invité. J'viens d'Afrique et j'bosse pour nourrir la mif. Bosse pour nourrir la mif. J'viens d'Afrique et j'bosse pour nourrir la mif. Car j'ai pas la gueule d'un riverain de Monaco. J'inspire plutôt Braco. Cherche du taf en poupou, j'ai brûlé vos Starco. Chez nous c'est Marité, J3, George, Jimmy Weston. Casse à moto dans la caisse, le dernier son de Werason. Tête gonflée aux stéroïdes, des dièses bizarroïdes. Dans le polaroïde, ramener nos carottes pire que les hémorroïdes. On vient, on rase la ville. Kinshasa, fallait pas nous donner le visage, en place une pour les frères Brazzaville. Bercy les Zénith Masta, qui remplit les gradins. Sale bâtard, mets-moi du fond bois dans mon gratin. Toujours premier à l'origine, coupe les vœux sous la résine. Ici pas de queue, c'est le costard, vas-y arrose le jean. On sent pas les couilles de la patrouille, on fait du bif. Si t'as la trouille, dégage, nous on bosse pour nourrir la mif. On a peur que de Dieu, du docteur et du juge. Apporte la mauvaise news si t'es malade ou bien que tu cruges. J'ai mis les gants, y'a plein de cesse dans le sac de frappe. Ça iroit de Viltane, Sarcelle, Clichy m'ont fermé jusqu'à trappe. J'viens d'Afrique et j'bosse pour nourrir la mif. Bosse pour nourrir la mif. J'viens d'Afrique et j'bosse pour nourrir la mif. Bosse pour nourrir la mif. Voici le négro Black Sky dans le cappuccino. Escobar. Tony Bamboula. Il est arrivé quelque chose. Vous êtes de mon avis. Que les producteurs aillent se faire baiser. Il y a quelque chose qui a mal tourné. On veut me rentrer l'anguille. Mauvais défaut, oui je sais, je suis rancunier. Négro, attention. Pourquoi fais-tu ça? On parle pas avant que j'ai dit bénédicité, sale pute. DJ Amdi fait ça deux spins comme un GT. Drive, ferme un rêve pour d'autres, un cauchemar. Le messager de l'enfer, Escobar Maxon. Je t'aurais prévenu, ne m'appelle pas mon frère parce que t'insultes ma mère. Cette rage ne cessera pas. Elle va grandir et détruire tout ce qu'elle touche. Bon vita. Les 45 000 raisons de la colère. Soyez certains que vos péchés retomberont sur vous. Maquille la musique. Maquille la musique. À présent, on est livré à nous-mêmes. Et tout seul, on va devenir puissant et l'emporter sur les autres. Les gens se souviendront peut-être pas de ce qu'on a dit ce soir, mais je vous jure qu'ils se souviendront un bon bout de temps de ce qu'on va faire.